crier ma coute abissante. Au quotidien, il fallait qu'on continue l'avion qui voyage. Donc, on a compté la deuxième. Ah, tu vois, il y a un vivant. On a parlé comment? Ouais. Tout le monde a tiré à couler. Janine Osonga. Yolanda. Le roi soleil nous immortel, nous sommes tous les trésors de l'île, trésors de l'île.